Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez de l'ennui, des cartons, des ciseaux, de la colle et vous obtiendrez la maquette du hasard. Aujourd'hui, je m'ennuie tellement fort que je traîne les pieds. J'ai l'impression d'être une vieille limace qui rampe vers le canapé. Je m'y affale et fixe le vide en soufflant. Tout à coup, une pluie de cartons tombe devant moi. Maman vient de vider la poubelle à recycler. Elle est zinzin ? Non. Elle veut que je construise quelque chose. Mais quoi ? J'ai pas d'idée, moi. Elle me dit de pas réfléchir, de créer un truc au hasard, et puis s'en va. Je fixe le tas de cartons en boudant. À force de les regarder, un tas de formes rigolotes viennent chatouiller mon imagination. Je me lève d'un bond et cours chercher ma trousse. En un instant, je me transforme en une tornade qui coupe, colle, peint, construit, sans réfléchir. Une fois mon œuvre terminée, j'appelle tout le monde. Papa voit une statue, maman un vaisseau, ma sœur un immeuble pour nos Legos, et moi, un générateur d'imagination.